troisième temps de notre série sur la guerre de 30 ans. Aujourd'hui, les traités de Westphalie qui concluent ce conflit en 1648. Dans la fabrique de ce mercredi, après vous avoir dressé le tableau lundi avec Frédéric Drévillon de l'importance de cette guerre de 30 ans dans le contexte européen du XVIIe siècle, et puis hier nous être intéressés à l'imbrication de la religion et de la politique pendant ce conflit, eh bien nous nous intéressons ce matin au traité de Westphalie qui vont conclure cette guerre. Quel ordre mettent-ils en place? Un ordre d'ailleurs qui a été cité encore la semaine dernière par le président Macron devant les ambassadeurs réunis. On parlait encore dans son discours de l'ordre westphalien. Alors pourquoi la guerre continue-t-elle malgré tout après 1648? C'est ce que nous verrons avec nos trois invités. Claire Ganté, elle est en duplex avec nous depuis les studios de nos confrères de Munich. Elle est professeure d'histoire moderne à l'université de Fribourg et elle est une grande spécialiste, sinon la plus grande spécialiste française de cette guerre de 30 ans. Paul Voix est également avec nous, il est maître de conférences à Paris 1. Il a travaillé sur le sort des vaincus pendant les guerres du 16e et 17e siècle. Et puis Émilie Dosquet est également avec nous, elle est docteure en histoire à Terre à l'université de Strasbourg et elle a fait une thèse toute récente sur la suite de cette guerre de 30 ans et en particulier ce qu'on a appelé la dévastation du Palatinat. Elle nous expliquera ce qu'est cette dévastation du Palatinat et surtout quel rôle eh bien, cet épisode des guerres de Louis XIV a pu jouer dans la mémoire qu'on a gardée de ce long XVIIe siècle guerrier. Friedrich von Schiller, 1792, Histoire de la guerre de 30 ans. Tous les grands événements qui eurent lieu dans cette période se rattachent à la réforme religieuse, si même ils n'y prennent source. La maison d'Espagne n'employa guère son énorme puissance qu'à combattre les nouvelles opinions ou leurs adhérents. C'est par la réformation que fut allumée la guerre civile qui ébranla la France jusque dans ses fondements. C'est la réformation qui rendit le joug espagnol insupportable aux Pays-Bas. En Allemagne, le schisme dans l'Église eut pour conséquence un long schisme politique qui livra, il est vrai, ce pays à la confusion durant plus d'un siècle, mais qui éleva en même temps un rempart durable contre la tyrannie. Ce fut en grande partie la Réformation qui fit entrer les royaumes du Nord, la Suède et le Danemark, dans le système européen. Des États qui auparavant existaient à peine les uns pour les autres commencèrent à avoir, grâce à la Réformation, un point de contact important et à s'unir entre eux par des liens tout nouveaux de sympathie politique. Et ainsi, par une marche singulière des choses, il fut réservé à la division de l'Église d'amener l'union plus étroite des États entre eux. À la vérité, cette commune sympathie s'annonça d'abord par un effet terrible et funeste, par une guerre de 30 ans. Guerre dévastatrice qui, du milieu de la Bohême jusqu'à l'embouchure de l'Escaut, des bords du Pô jusqu'à ceux de la mer Baltique, dépeupla des contrées, ravagea les moissons, réduisit les villes et les villages en cendres. Par une guerre où les combattants par milliers trouvèrent la mort et qui éteignit pour un demi-siècle en Allemagne l'étincelle naissante de la civilisation et rendit à l'ancienne barbarie ses mœurs qui commençaient à peine à s'améliorer. Mais l'Europe sortit affranchie et libre de cette épouvantable guerre, dans laquelle, pour la première fois, elle s'était reconnue comme une société d'États unis entre eux. Voilà donc pour ce texte lu par Elsa Dupuis, ce texte de Friedrich von Schiller sur l'histoire de la guerre de 30 ans, un texte de la fin du XVIIIe siècle qui d'ailleurs fait l'état peut-être de la mémoire de cette guerre du côté de l'Allemagne. Quand Schiller écrit ce texte, effectivement, nous sommes en pleine guerre de la Révolution française et il y a sûrement un écho entre ces guerres et cette question de la liberté telle qu'elle est présentée, la liberté allemande telle qu'elle est présentée par Schiller et le moment contemporain de son écriture. l'écriture. Bonjour à vous, Paul Voix. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour Émilie Dosquet. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Et bonjour à vous, Claire Ganté. Vous êtes plus éloignée que nos deux autres invités de nos studios, puisque vous êtes à Munich. Et merci d'être en duplex avec nous. Qu'est-ce que dit ce texte, justement, de Schiller, de l'état, de la mémoire allemande de cette guerre de 30 ans, avant des utilisations postérieures, en particulier à la fin du 19e siècle et au 20e siècle, en particulier par le nazisme, de cette guerre de 30 ans dans un arsenal, pourrait-on dire, de références historiques, Claire Ganté. Oui, bonjour, merci de votre invitation. Schiller écrit un texte fabuleux, fascinant, qui se situe un petit peu à un tournant tout au long des 17e, 18e siècles dans l'Empire. On s'est raccroché à la paix de Westphalie comme un rempart qui permet la paix dans toute l'Europe centrale, qui stabilise l'Europe. Alors cette paix de Westphalie est bien sûr malmenée par les guerres de Louis XIV, de la fin du XVIIe siècle. Émilie Dosquet y reviendra très certainement. Mais en même temps, dans tous les traités de paix, on se réfère à la paix de Westphalie, on l'actualise. Je pourrais vous lire, si on a le temps, un texte par exemple ou un extrait du traité de Nimègue de 1679. Hein, et comme le traité de paix conclu et signé à Münster en Westphalie le 24 octobre en l'année 1640, doit faire le fondement inébranlable de cette amitié réciproque et tranquillité publique. Le dit traité sera rétabli dans tout et chacun de ses points, en son ancienne vigueur, etc. Et bien sûr, ces traités sont malmenés, puisqu'il y a des conflits ultérieurs, mais ces accroches contribuent à créer une sorte de culture de la conflictualité qui, à chaque fois, réactualise le traité de paix. Qui garde toute son actualité. Hein. Par exemple, lors de la paix de Ryswick en 1697, Louis XIV exige qu'on maintienne le catholicisme dans des régions du Palatinat en contravention avec l'une des clauses des traités de Westphalie. Et ça provoque un tollé. Donc, rempart de la paix dans la France du XVIIIe siècle, auprès de certaines auteurs des Lumières, le traité de Westphalie est lu aussi comme une sorte de traité qui permet l'anti-absolutisme, une critique de l'absolutisme. Donc, il devient aussi très populaire parmi certains auteurs des Lumières françaises. Et puis, à la fin du XVIIIe siècle, on voit que ce traité ne suffit plus à garantir l'ordre international. Il y a une sorte de brutalisation. Par exemple, la Pologne disparaît de l'ordre international en pleine paix, sans guerre. Des émissaires sont, durant les guerres révolutionnaires et napoléoniennes, des émissaires de l'État français, par exemple, sont tués en dépit des principes d'immunité diplomatique. Donc on se rend compte que ce traité ne fonctionne plus très bien. Et deuxième point, à l'époque de Schiller, les intellectuels sont à la recherche du génie, hein, de l'homme fort. Alors Schiller est fasciné par Wallenstein, le grand général impérial. On sait combien Goethe combien Hegel ont été fascinés par la figure de Napoléon à cette même période, avant de se retourner peut-être. Exactement, du héros et d'une sorte d'héroïsme aussi par la guerre. Hein. Alors Schiller est encore un peu dans l'entre-deux. Ce qu'il valorise, c'est la liberté. Vous avez tout à fait raison de dire, ce terme liberté, il est très fort à l'époque où il écrit, bien sûr. C'est en arrière-plan de ce qui se passe en France. Hein. La guerre de 30 ans où les traités de Westphalie ont permis la liberté de l'Europe, c'est quelque chose d'état. Oui, qu'est-ce qu'on entend justement par cette liberté allemande ou ces libertés allemandes, au nom desquelles d'ailleurs le roi de France est entré en guerre en 1635 pour protéger ces libertés allemandes d'une tutelle qui serait trop impérieuse de la part de l'empereur en 1635. Qu'est-ce qu'on entend par ces libertés allemandes dont on entendra ensuite le nom à nouveau prononcé pendant les années 1820, 1840 et aux alentours de 1848. Cette idée des libertés allemandes, c'est quoi exactement, Claire Ganté, qu'il fallait protéger par ces traités de Westphalie? Alors, le terme de liberté est très ancien, vous le trouverez dès le tout début du XVIe siècle, dans des partisans de Luther par exemple. Il renvoie à cette dualité typique du Saint-Empire, de l'Allemagne d'alors si on fait vite, entre d'une part l'empereur et d'autre part tous les États réunis à la Diète. Ces États, qui peuvent être des princes, qui peuvent être des hommes d'église, qui peuvent être des villes libres, ont certains privilèges, et ce sont ces privilèges qu'on appelle des libertés. Donc ça n'a rien à voir, si vous voulez, à la notion humanitaire, universelle, de la liberté que Schiller prône. Là, on voit un renversement sémantique complet au XVIe, XVIIe siècle, y compris donc à l'époque des traités de Westphalie. La liberté, c'est la défense des privilèges et la défense d'une certaine autonomie face à l'empereur. Alors, Bien sûr, le roi de France a tout intérêt à dire « je défends les libertés allemandes ». C'est une façon de dire « je m'oppose à l'empereur, au pouvoir de l'empereur ». Alors, Paul voit ces traités de Westphalie qui vont être signés en 1648 définitivement, se déroulent dans deux villes, enfin les négociations se déroulent dans deux villes, Münster et Osnabrück, qui sont deux villes qui sont très proches l'une de l'autre, et qui, avec cette idée qu'on va négocier par groupe, pourrait-on dire, et on ne négociera pas tous ensemble parce que après une telle guerre, il est très difficile de se mettre à la table des négociations. Ces négociations commencent beaucoup plus tôt. On peut dire que dès les années 1642, 1643, on commence à réfléchir à la sortie de cette terrible guerre de 30 ans, Paul Voix. Tout à fait. Le projet de tentative d'établir une paix, les négociations débutent très tôt. Et Münster et Osnabrück sont donc deux villes qui sont neutralisées pour permettre le déroulement de ces négociations. Les diplomates arrivent dès 1644. On a des sauf-conduits qui leur sont délivrés. Donc ce sont des villes moyennes, de taille modeste, qui reçoivent tout à coup des délégations très importantes, plusieurs milliers de négociateurs qui viennent des quatre coins de l'Europe. On a 420 Français, 155 Suédois, 147 Espagnols, 108 Impériaux, 140 États d'Empire qui sont représentés. Ça n'est pas encore Genève, mais ça peut ressembler à ce que serait Genève au XXe siècle. Une immense foire qui réunit donc dans ces deux villes, d'un côté donc la France et ses alliés à Münster et à Osnabrück la Suède, donc d'un côté les puissances catholiques, de l'autre les puissances protestantes. Et ces négociations sont très longues. Très longues parce que, d'une part, les délégations diplomatiques doivent prendre leurs ordres depuis leur capitale, des capitales qui sont très éloignées. Il faut, je crois, 12 jours pour qu'une lettre arrive à Paris, un mois pour Madrid, 3 semaines pour Stockholm. Et donc, ça ralentit le tempo des négociations, d'autant que ces négociations se déroulent en pleine guerre. Les opérations militaires continuent. Münster et Osnabrück sont neutralisés. La route qui les relie est également neutralisé, mais les opérations militaires continuent. Et évidemment, en fonction des succès ou des revers, les diplomates ont tendance à pousser leurs exigences. Oui, Émilie Dosquet, ces négociations nous disent quelque chose sur l'état, pourrait-on dire, d'exaspération qu'elle conduit ce conflit très long en Europe, mais aussi la nécessité à un moment ou à un autre d'en sortir, Émilie Dosquet. Oui, tout à fait. Et c'est un élément très intéressant puisque finalement, c'est en ça que les négociations de Münster et Osnabrück vont finalement accentuer et inaugurer un phénomène qu'on verra par la suite. C'est que la période dans les temps de guerre, la période où durent les négociations est parfois plus longue que la période où on est totalement en rupture et en crise et où on n'engage pas de discussion. C'est le cas notamment durant la guerre de 9 ans, donc un peu plus tard, entre 1688 et 1697-98 qui est close par le traité de Ryswick, où précisément les négociations vont commencer dès 1692. Finalement, on va avoir ce phénomène d'intrication hein, que Paul a évoqué entre le jeu diplomatique et le jeu militaire. Avec l'idée qu'on peut continuer à pousser son avantage pendant les négociations parce qu'on pourra peut-être tirer des bénéfices de cet avantage militaire dans la négociation de paix. Tout à fait, et c'est un élément radicalement, enfin, qui distingue tout particulièrement les guerres de cette période-là avec les guerres qu'on dira contemporaines, en particulier la Première et la Seconde Guerre mondiale. Qui est que on ne cherche pas à anéantir l'adversaire. On est toujours dans la recherche d'un avantage. Et c'est le point de rupture, en fait. Alors pourquoi, Claire Gantet, évoque-t-on encore dans le discours de la semaine dernière du président de la République devant la conférence des ambassadeurs, pourquoi évoque-t-on régulièrement cet ordre westphalien ? Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui de cet ordre westphalien ou de ce système westphalien qui serait issu des traités de Westphalie en 1648, qui serait encore valide aujourd'hui? Est-ce qu'on réinvente régulièrement ce qui s'est décidé dans ces traités de Westphalie, dans cette très longue négociation qui conclut la guerre de 30 ans, Claire Gantet? Ce que les hommes politiques et les politologues entendent par tournant westphalien, c'est un très grand sujet pour eux, à savoir que les traités de Westphalie auraient vu la naissance d'un ordre international fondé sur l'affrontement d'États désormais souverains et égaux en droit. Mmh. Donc une stabilisation considérable du paysage de l'ordre politique international à du paysage politique à l'échelle européenne, donc plus ou moins mondiale, après une époque de guerre civile, marquée donc par les guerres de religion en France, et la guerre de 30 ans, qui est aussi une guerre civile en Allemagne. Alors c'est un thème qui a été lancé en 1948 par un politologue et qui a eu énormément de succès. Bertrand Batty, par exemple, en France, a écrit plusieurs livres sur ce sujet. Alors les historiens sont quand même très prudents. On vous voit beaucoup plus sceptique. Les politologues, oui. Oui, à l'unisson des historiens. Les politologues, disons, voient d'un côté cet ordre tout à fait menacé par les conflits ethniques et à nouveau religieux du XXe siècle. Donc, en gros, ils ont un regard presque nostalgique hein, sur cet ordre westphalien qui a clarifié les relations internationales qui sont très perturbées. Et d'un autre côté, certains d'entre eux trouvent que les traités de Westphalie pourraient donner aussi des leçons utiles dans les conflits actuels, en ce qu'ils traitent d'éléments internationaux, mais aussi territoriaux, et d'éléments religieux. Et les conflits que l'on pense en Syrie ou autres, bien sûr, mêlent toutes ces dimensions. Et c'est la raison pour laquelle les traités de Westphalie sont très actuels dans la réflexion des politologues actuellement. Mmh. Alors, Paul, alors les historiens sont sceptiques, oui, voilà, parce que cette définition de l'État, elle est très peu historique, si vous voulez. Bien sûr, les traités de Westphalie ont fondé un ordre d'État, ça c'est clair, mais tout dépend de ce qu'on entend par le terme État. Et ce qu'on entend par un État en 1648 a très peu à voir avec ce qu'on entend par le terme État en 1800, 1950 ou en 1900. Hein. En 1648, c'est un État encore très personnalisé, avec donc la figure du souverain, la figure d'ambassadeur qui joue un rôle plus ou moins autonome. Hein. On peut parler par exemple de la diplomatie française où il y a trois diplomates qui sont en constante dispute les uns entre les autres. Alors, on pourrait parler de la diplomatie pontificale qui est aussi très complexe et semi-autonome et qui change. Hein. Parler par la suite. Donc une personnalisation très forte, le Saint-Empire reste une construction féodale qui se politise peu à peu, mais ça n'est pas du tout un État abstrait doté d'institutions abstraites. Hein. C'est encore, je le répète, des choses très vivantes. Hein. Ouais. Voilà. Notamment le caractère de souveraineté. Là aussi, il faudrait nuancer. Alors Paul Voix l'a dit au congrès de Münster et d'Osnabrück sont invités non seulement l'empereur, ce que l'empereur aurait bien su souhaiter, mais aussi tous les états d'empire, donc toutes les personnes qui constituent la diète d'empire. Et qui vont d'ailleurs tirer profit de ces traités de Westphalie en ayant une autonomie plus grande qu'auparavant, en particulier avec le Jus Fuederis, c'est-à-dire le droit de signer eux-mêmes des alliances, y compris avec des puissances étrangère, du moment en tout cas qu'elle n'attaque pas directement la personnalité ou même la structure de l'Empire, Claire Ganté. Voilà. Alors c'est un point essentiel que les politologues soulignent dans cette idée du tournant westphalien. Les États d'Empire, donc à leur demande, sont représentés. Bon, c'est lié à l'histoire interne de la guerre de 30 ans dans le Saint-Empire et notamment cette idée ou cette histoire de ce général Wallenstein qui a obtenu un pouvoir extraordinaire et que l'empereur a fini par faire assassiner. Sans le faire comparaître et sans respecter réellement les institutions d'Empire. Donc les États réagissent, ils imposent leur participation. Alors les traités de Westphalie, les deux, hein, Münster et Osnabrück, leur accordent effectivement ce droit de nouer des alliances extérieures dans la mesure où elles ne se tournent ni contre l'empereur ni contre l'Empire, et cette restriction est essentielle. Dans l'idée des négociateurs, il ne s'agit pas de faire de tous ces États d'Empire des sujets du droit des gens, des relations internationales, mais plutôt de trouver un moyen de réellement insérer la paix dans le Saint-Empire. Mmh. On l'a dit, ces traités ou ces négociations tournent dans la durée, et même en 1648, tout le monde a très peur que la paix ne se maintienne pas. Tout le monde a très peur que ça s'effondre d'un coup. Il faut penser qu'en 1648, on signe la paix, mais personne n'a songé à régler les mobilités, les modalités de la démobilisation. Donc les troupes, tous les troupes étrangères, les Suédois, les Français, etc., continuent à être sur le pays, ne sont plus vraiment payés, pillent plus que jamais. Ces années 1648-1650 sont les pires hein, de ce point de vue-là de la guerre. Et ça n'est qu'en 1650 qu'on arrive à s'accorder sur les, sur les modalités bien de cette démobilisation. Donc la paix est réellement tangible. Donc les contemporains sont, après ces 30 années de guerre, d'une violence inédite, ont très peur que la guerre revienne très rapidement. Et donc sont à la quête de types de garanties. Alors parmi les garanties, il y a le fait que les États sont pris à partie et donc obtiennent ce droit. Alors dans la Diète, effectivement, ce droit leur donne un pouvoir supplémentaire. La Diète désormais règle vraiment avec tous les États d'Empire les affaires de l'empereur, en accord bien sûr avec avec l'empereur. Alors Paul Voix, il y a dans ces traités de Westphalie des dimensions géopolitiques, pourrait-on dire, enfin d'accord entre États et de négociations entre chacun des États belligérants. Il y a aussi une vision aussi peut-être de ce qu'est une guerre, une remise à niveau, pourrait-on dire, de la manière de faire la guerre. Est-ce qu'il y a cette dimension-là ou pas du tout dans ces traités de Westphalie? Est-ce que d'une certaine façon, on discute de ce qui s'est passé ou est-ce que on est en train d'établir juste un nouvel ordre européen comme certains l'ont rêvé au XXe siècle? Alors, très classiquement, les traités s'ouvrent par une clause d'oubliance qu'on retrouve donc en tête et une clause d'amnistie. Très classiquement, ça veut dire comme auparavant. Comme dans toutes les paix de religion, par exemple, sur lesquelles ont travaillé Olivier Christin ou Jérémy Fora, comme dans toutes les capitulations de ville, la première chose, c'est l'oubli. L'oubli qui est affirmé comme un principe politique pour permettre la reconstruction d'une communauté, d'une collectivité. Et d'un corps politique. Et du coup, on ne cherche pas du tout à mettre hors la loi certains types de pratiques ou... Ça, c'est absent complètement des traités. Pour revenir à ce que disait Claire Gantès sur la démobilisation, effectivement, c'est quelque chose de très très compliqué puisque la guerre vraiment se poursuit. Il y a 150 000 soldats étrangers qui restent dans l'Empire. Les derniers Suédois partent en 1654 contre une indemnité de 5 millions de thalers, donc des sommes considérables. Et donc même après la paix, les déprédations, les pillages continuent. On pourra peut-être parler de la mémoire de ces déprédations. Et plus tard. Justement, sur ces pratiques militaires, elles ont visiblement, Émilie Dosquet, elles ont visiblement choqué les contemporains, elles ont été même un motif, pourrait-on dire, d'écriture, à la fois dans les journaux de soldats, dans les journaux de bourgeois qui ont vu arriver dans leur ville cette soldatesque qui est parfois déchaînée. Est-ce qu'on sait exactement, est-ce qu'on arrive à faire le départ entre ce qui est d'une figure stylistique, pourrait-on dire, de la désolation, puisque vous avez travaillé par exemple sur les désolations, la désolation du Palatinat qui est postérieure, puisque c'est une guerre de Louis XIV, mais néanmoins qui est là aussi à l'origine de très nombreux textes, etc. Est-ce qu'il y a des figures littéraires ou est-ce qu'il y a véritablement de quoi tirer de ces textes la vérité, pourrait-on dire, de ce qu'a été cette désolation et cette violence de guerre pendant 30 ans? Alors c'est effectivement un élément qui est très intéressant parce que très anciennement, hein, des historiens médiévistes en parleraient très bien dans les chroniques notamment, dans les chroniques urbaines en particulier. Hein, il y a une écriture des misères de la guerre qui est très ancienne. Et effectivement, pour l'historien, l'immense difficulté, c'est de faire la distinction entre la permanence d'images, de topoi qui sont réactivées pendant la guerre de 30 ans comme pendant toute guerre avant au XVIe et au Moyen-Âge. Mais on a aussi, les travaux ont clairement mis en évidence que néanmoins, le niveau de violence avait été tout particulièrement aigu pendant la guerre de 30 ans. La particularité, c'est que en fait, il a certainement été chronologiquement plus ramassé que ce qu'on pense, et on n'a pas eu 30 ans de permanence de pillage et de déprédation de la même intensité. Et surtout, on n'a pas eu 30 ans de guerre dans les mêmes régions de l'Europe en guerre, d'une certaine façon. Exactement. La Franche-Comté n'a pas connu le même sort que la Lorraine, que le Bade-Württemberg, etc., etc. Tout à fait. En fait, on a vraiment effectivement une géographie qui va évoluer en fonction de la chronologie de la guerre. Mais la récurrence dont parlait d'ailleurs déjà Hervé Drévillon lundi, la récurrence, la permanence, le retour des armées, les mouvements, les allers-retours notamment dans des espaces frontaliers, jouent énormément sur cette sensation d'une violence permanente. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que la guerre de 30 ans, par la production massive d'images textuelles ou iconographiques de la guerre, constitue un point de référence fondamental pour dire la guerre après elle. C'est-à-dire que Goya va s'inspirer des gravures de Jacques Callot pour évoquer ce que font les armées françaises, donc en Espagne par exemple. Il y a Goya et avant lui, en fait, tous les récits de violences de guerre font référence à la guerre de 30 ans, et c'est le cas notamment pour la désolation du Palatinat qui, se rejouant dans une région qui a énormément souffert de la guerre de 30 ans. Rappelez-nous la durée. Alors, le Palatinat, c'est en gros entre 16 et 18 mois au tout début de la guerre de 9 ans, donc entre septembre 1688 et, disons, novembre-décembre 1689. Et là, alors on a des... Je rentre pas dans le détail, mais on a des pratiques qui sont finalement... assez différentes de la guerre de 30 ans dans plein des pratiques militaires qui sont mises en œuvre, mais comme les auteurs disposent de ce point de référence qui fait sens pour le lecteur européen, c'est à celui-ci qu'il se rattache pour dire ces violences qui pourtant dans les faits sont différentes. Thank you. La cantate sur l'inconstance de toute chose, opus 72 d'Ernst Krenek avec Caroline Stein, soprano, le chœur de chambre du Rias de Berlin, dirigé par Hans-Christoph Rademann et Philippe Meyers au piano, une mise en musique de Des larmes de la patrie, un poème de 1636 d'Andreas Griffus en pleine guerre de 30 ans. Si on s'intéresse à ces traités qui concluent la guerre de 30 ans, Clergantet, c'est parce qu'ils ont des figures différentes, pourrait-on dire. Vous dites dans plusieurs textes qu'il y a une triple dimension de ces traités, une dimension internationale, on en a déjà parlé, une dimension territoriale, on l'a évoqué également, en particulier pour ces territoires d'empire, une dimension confessionnelle. Que disent-ils ces traités de Westphalie de 1648 dans cette dimension confessionnelle, Clergantet? Alors, ils sont d'abord une paix de religion. Une paix de religion, c'est un traité qui essaye de désamorcer le potentiel conflictuel lié aux affirmations religieuses, c'est-à-dire de désamorcer relativement les dimensions religieuses et les dimensions politiques. Donc, on met entre parenthèses les différentes dogmatiques, on les règle seulement d'un point de vue civil, par exemple la question de la possession des biens ecclésiastiques. Ces paix de Westphalie sont une paix de religion donc confirme la paix de religion d'Augsbourg de 1555, dont il a été question hier, en y intégrant les calvinistes. Donc dorénavant, dans le Saint-Empire, sont reconnus comme égaux en droit, catholiques, luthériens et calvinistes. Luthériens adeptes de la confession d'Augsbourg de 1530, calvinistes ou réformés. Les traités confirment les libertés résiduelles qui avaient été garanties en 1555, donc la pratique religieuse privée, le droit d'émigration au cas où un sujet serait en désaccord avec son prince. Il a le droit d'émigrer, le prince n'a pas le droit de le persécuter. On accorde aux états d'empire le droit de réforme. Donc le prince a nominalement le droit d'imposer sa religion à la principauté. Mais dans les faits, ça ne fonctionne pas. Ce droit est complètement annihilé par deux clauses, en particulier par la fixation d'une année normative, ou une année normale, on trouvera les deux expressions, c'est à la date du 1er janvier 1624. Tout ce qui était luthérien désormais reste luthérien, tout ce qui était catholique reste catholique dans les territoires biconfessionnels, et tout ce qui était calviniste à la date du 1er janvier 1618 restera calviniste à partir de 1648. Donc dans les faits, on introduit de la mixité religieuse partout. Il y avait de la mixité religieuse partout dans le Saint-Empire, hormis dans la Bavière, qui est en gros le seul territoire confessionnalisé. Donc règle de l'année normative, et puis règle très importante de la parité. La parité, c'est-à-dire qu'on divise en deux, tout simplement. Parité qui est à la fois numérique et parité qui concerne la procédure. Dans la diète, pour les matières confessionnelles, désormais, catholiques et protestants délibèrent séparément et puis parviennent à un compromis par la suite. Et cette parité de la procédure, qui est un petit peu laborieuse dans la diète, qui du coup travaille lentement parce qu'il faut trouver ce compromis, cette parité est appliquée aussi à quatre villes libres, c'est-à-dire dépendant uniquement de l'empereur, biconfessionnelles. Elles sont toutes à la fois catholiques et luthériennes. La plus importante est en Augsbourg. Alors, toutes les institutions d'empire, que ce soit le conseil de ville, la censure, les gardes, etc., sont partagées vraiment en moitié-moitié entre catholiques et luthériens. S'il y a un nombre impair, on fait une rotation. Et puis, donc, pour la décision, pareil, on se sépare en deux camps, à 50%, indépendamment du poids démographique des confessions dans la ville, qui évolue énormément. Bien sûr. Augsbourg est, à la fin de la guerre, une ville extrêmement luthérienne. Et comme Augsbourg n'a pas de territoire, dépend pour son approvisionnement et puis pour l'afflux de personnes complètement de la Bavière, Augsbourg devient au fil du temps une ville catholique. Donc indépendamment de l'équilibre démographique, cette parité reste en règle jusqu'en 1806. Donc elle a une durée de vie extrêmement longue. Cela contribue bien sûr à l'institutionnalisation et à la mémoire du traité de Westphalie et de la guerre de 30 ans. Paul Voix, vous avez fait votre thèse sur la question du sort des vaincus. Ça s'appelle « Rendre les armes », elle est publiée publiée chez Champvallon, et on conseille à tous nos auditeurs de la lire, cette thèse en l'occurrence. Et vous travaillez sur le longtemps, c'est-à-dire sur ce qui précède, les guerres de religion en particulier, et puis le long XVIIe siècle, pour essayer de travailler sur la façon dont on traite les vaincus dans ce long XVIIe siècle en particulier. Qu'est-ce que on peut dire justement de cette guerre de 30 ans? A-t-elle changé ou pas? Et visiblement, ça n'est pas forcément le cas, le sort des vaincus par rapport à ce qui se passait auparavant, malgré la très longue durée de cette guerre, Paul Voix. Je crois qu'on observe une très grande continuité, des phénomènes de permanence dans la manière dont, à l'échelle tactique, à l'échelle de la micro-diplomatie des capitaines, l'adversaire est traité. En fait, on peut considérer qu'il y a une sorte de modèle transactionnel de la guerre, ou qui ménage toujours une porte de sortie à l'adversaire. Modèle transactionnel de la guerre, donc fondé sur la négociation, dans une logique d'économie des moyens, d'abréger les opérations. Et pas simplement de ne pas vouloir humilier l'adversaire, pas simplement ça. Alors, ça arrive parce que ce modèle transactionnel de la guerre, c'est également un modèle transactionnel de la violence. C'est-à-dire que on ne recule jamais devant des exécutions militaires dans une optique de terroriser l'adversaire pour hâter sa reddition, ou bien dans une optique de pillage, parce que des troupes mal payées ont souvent besoin de recourir au pillage pour se nourrir, se vêtir, s'équiper. Du coup, on a plutôt une très grande continuité des pratiques du XVIe siècle jusqu'à la fin du règne de Louis XIV, même si le rapport à la violence se modifie un petit peu, c'est-à-dire qu'on a un souci plus grand de tenter de réguler ces pratiques, mais dans les faits, ces efforts de régulation restent souvent sans succès. Sur cette question justement qui fait aussi l'effroi, pourrait-on dire, postérieur de ceux qui n'ont pas vécu la guerre de 30 ans, de ce qui s'est passé pendant cette guerre, sur ce qu'on aurait pu appeler, ce que j'ai appelé dans une émission précédente, la brutalisation, en reprenant de façon anachronique le terme qui avait été créé pour le XXe siècle par Georges Mossé. Que sait-on justement de ce niveau de violence? Vous nous disiez tout à l'heure, Émilie Dosquet, qu'il fallait faire la distinction entre ce qui était ressenti et la réalité de ces violences, même si on sait que des centaines de milliers de personnes ont disparu pendant ce très long conflit de la guerre de 30 ans, et il y a bien eu effectivement des viols, des massacres, des fosses communes, etc., etc., et des batailles extrêmement sanglantes et extrêmement violentes. Qu'est-ce qu'on sait justement de cela et de la façon dont ça a pu rester, comme le disait tout à l'heure Claire Ganté, dans la mémoire de ceux qui n'avaient pas vécu le conflit? Alors, c'est vous posez la question à 3 millions de dollars pour ceux qui travaillent sur la violence. J'espère pour vous, en tous les cas. Ça vous permettrait d'être mieux payé que dans l'université française ces temps-ci, peut-être, en tant que jeune chercheuse. Non, parce qu'effectivement, pour tout chercheur qui travaille sur la violence, que ce soit une violence dans un contexte militaire ou dans un contexte judiciaire ou civil, c'est véritablement cette question de son échelle, de son intensité et des outils qu'on utilise pour la mesurer. Et effectivement, il est fondamental pour nous de faire la distinction entre la manière dont cette violence est ressentie et la manière dont on peut peut-être tenter de l'évaluer objectivement. Or, précisément, cette évaluation objective, elle est compliquée. Et c'est justement le ressenti qui est intéressant pour nous. C'est de voir, finalement, de savoir si cette violence a été excessive ou pas. Ça relève parfois de l'ordre d'une question de morale. Mais ce qui est très intéressant, c'est de savoir comment elle marque et comment elle s'inscrit dans la manière dont les militaires choisissent par la suite d'en rendre compte, et comment les civils l'aperçoivent, la racontent. Et en cela, les écrits du fort privé, comme on dit, c'est-à-dire les écrits de journaux intimes, qui sont d'ailleurs très nombreux depuis le début de la Réformation et de la réforme dans l'espace rhénan en particulier, peut-être nous aider à percevoir cette impression vis-à-vis de la violence qui s'est déroulée pendant cette guerre de 30 ans. Tout à fait. Et effectivement, une chose qui est incontestable, c'est que pour les contemporains, la guerre de 30 ans a été ressentie comme l'apogée de la violence militaire, l'apogée de d'une rencontre, Hervé Drévillon en parlait lundi, entre affamés, apestés à Bello, hein, donc la guerre, la famine et la peste qui se rencontrent pour dans un combo catastrophique et qu'on retrouve un combo particulier effectivement et qu'on retrouve hein, dans les conflits par la suite. Et effectivement cet élément là il est décisif pour comprendre comment des phénomènes par exemple ponctuels de cannibalisme vont devenir, parce que on en a aujourd'hui, on est à peu près sûr qu'il y en a eu, mais ils ont été beaucoup moins importants que ce que la littérature, que l'écho qu'ils ont eu. Oui, mais de fait, franchissement de transgressions tout à fait particulières, ils ont marqué les esprits et suscité une écriture et une perception du conflit qui a eu aussi, qui a aussi une conséquence sur la manière dont la paix de Westphalie est perçue, comme étant ce terme d'une guerre au déchaînement. De déchaînement de violence. Il y a aussi d'autres conséquences. Claire Gantet, vous avez écrit un article l'année dernière dans 17e siècle, l'excellente revue justement sur le siècle qui nous intéresse, de bilan historiographique, qui est vraiment un article qu'il faut lire si on veut se rendre compte des évolutions, pourrait-on dire, de l'historiographie sur la guerre de 30 ans aujourd'hui. Et vous y évoquez la naissance, que je pensais personnellement plus tardive, mais c'est, vous le dites et les travaux historiques semblent le confirmer, de cette notion de nostalgie comme sentiment justement de médecine militaire, parce que ce terme de nostalgie est applicable au départ à ces soldats qui reviennent de milliers et de milliers de kilomètres parcourus, de centaines de combats ou de dizaines de combats qui se sont succédés pendant cette très longue guerre de 30 ans. Et vous dites que cette catégorie de la nostalgie entre brusquement dans cette deuxième moitié du XVIIe siècle, dans la posologie que les médecins militaires, enfin dans le tableau des maladies de la médecine militaire, Claire Gantet. Oui, effectivement. Alors, ce terme de nostalgie recouvre l'idée que la guerre laisse des blessures du corps, mais aussi des blessures de l'âme, donc ce qu'on appellerait de nos jours des blessures psychiques. Mmh. Et la guerre de 30 ans accélère énormément cette idée qui existe hein, déjà un tout petit peu auparavant. Il y a des premières dissertations de médecine qui sont rédigées sur ce sujet. Alors, le fait que la nostalgie devienne ou soit prise en charge par des médecins, des barbiers, etc. Ça, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme, surtout quand se mettent sur pied des armées permanentes. La guerre de 30 ans n'est pas le théâtre d'armées permanentes, mais la guerre est conduite de façon privée hein, par le système de l'entrepreneur de guerre, donc une sorte de démission hein, du pouvoir militaire. Donc, la prise en charge véritable de cette nostalgie par la médecine militaire, le fait que le mercenaire se dise les blessures ne font pas partie d'une conséquence inévitable de la guerre, mais les blessures doivent être prises en charge par l'État. Ça, c'est quelque chose qui se met peu à peu en place, hein, qui n'est pas en place. Alors, on a des témoignages tout à fait saisissants, justement, de ces marches dont vous parliez. Et on a un diaire, un écrit donc personnel d'un mercenaire qu'on a pu identifier, Peter Hagendorf, qui, entre 1625 et 1649, parcourt 25 000 kilomètres à pied. Hein, donc c'est des marches extraordinaires. Ouais. Parmi la violence, il faut dire aussi qu'on a eu, on a de nouvelles sources à disposition, quelque chose qui est vraiment révolutionnaire pour les historiens. L'archéologie. Par l'effet du hasard. Oui, l'archéologie funéraire. On a découvert une fosse où ont été entassés des mercenaires, des soldats après la bataille de Wittstock de 1636 et qui ont fait l'objet d'une étude scientifique et qui montre la brutalité des combats. Hein. Souvent les crânes sont transpercés de 2, 3 ou 4 coups. Et entraîner la mort. On voit que les soldats sont arrivés au combat en ayant déjà des blessures énormes, voire en étant complètement mutilés, sans bras droit, etc. Et puis on voit aussi le dénuement extrême, hein, toutes les maladies dont les os portent la trace, la tuberculose, le typhus, la syphilis, tout ce que vous voulez. Donc c'est dans les faits. Enfin là, je crois qu'il y a un indice quand même très parlant d'une violence qui n'est pas seulement une fleur de rhétorique, pas seulement de l'emphase baroque, mais qui est quelque chose qui a beaucoup marqué les contemporains. Et d'ailleurs, l'une des traces peut-être la plus marquante de cette mémoire, c'est aussi la transformation du terme de culture, qui avant la guerre désigne la culture intellectuelle qu'un enfant acquiert quand il se met à apprendre le latin, et qui, après la guerre, en particulier lorsque Leibniz réfléchit sur ce traumatisme qu'a causé la guerre de 30 ans, fait de la culture, le niveau intellectuel d'un pays, la culture au sens général que l'on entend aujourd'hui, les ressources aussi qu'il faut mobiliser pour développer le niveau intellectuel du pays et le permettre de se ressourcer après une telle guerre. Hein. Et on fait aussi, par exemple, de la langue allemande, une sorte de ciment essentiel dans le Saint-Empire pour permettre à nouveau l'union après un tel déchaînement de violence. Paul Voix et Émilie Dosquet, nous avons quelques minutes pour conclure, puisque nous allons écouter un petit extrait du documentaire que nous passerons demain. Désormais, le documentaire est le jeudi dans la Fabrique de l'Histoire, un documentaire sur un lieu entièrement dévasté, le château de la Motte, qui se situait aux confins du royaume de France et du duché de Lorraine. On se pose une question, c'est tout compte fait, ces traités de Westphalie sont supposés arrêter la guerre, mais la guerre continue quand même. La guerre va continuer jusqu'en 1659 et le traité des Pyrénées entre la France et l'Espagne, et la guerre va se déchaîner encore sur ces territoires allemands, Émilie Dosquet, évidemment, dont vous êtes spécialiste, pendant toute la deuxième moitié du XVIIe siècle. Donc, pourquoi pense-t-on que ces traités arrêtent la guerre alors qu'ils ne l'arrêtent pas véritablement, Paul Voix, brièvement ? Je dirais même que les traités de Westphalie contiennent en germe un certain nombre des guerres de Louis XIV, puisque Louis XIV utilise certaines clauses particulièrement imprécises des traités de Westphalie, notamment en Alsace, notamment en Lorraine, pour justifier les politiques d'annexion qu'on a qualifiées de politiques des réunions dans les années 1680. Et les chambres de réunion qu'il met en place en Alsace notamment, sont chargés de discuter, des discussions très savantes, très juridiques, pour justifier des annexions territoriales. Et loin de mettre un terme à la guerre, ces traités sont justifient des prétentions territoriales ultérieures de la part de Louis XIV. Émilie Dosquet. Dans la continuité sur la question de la violence, dans la continuité de ce qu'ajoutait Claire Contat précédemment, et justement sur votre question, ce qui est très intéressant, c'est que finalement, entre la guerre de 30 ans et la fin du XVIIe siècle, et le cas de la désolation du Palatinat le montre assez bien, c'est que finalement, les pratiques, ce niveau de violence, cette brutalité, qu'effectivement de nouvelles sources mettent en évidence, reste finalement la même. Ce qui va changer, c'est l'encadrement de ces pratiques. Il y a une volonté d'encadrement, mais c'est pas parce qu'on veut les encadrer qu'elles le sont dans les faits. Mais cette volonté, elle est très nette. Mais qui correspond à ce que disait Hervé Drillon, c'est-à-dire à une professionnalisation des armées dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, une volonté de contrôle plus grand et de faire rentrer, disons, tous ces reîtres lansquenets et mercenaires dans un cadre national en particulier au fur et à mesure. Tout à fait, il y a cet élément-là et auquel s'ajoute justement le rapport que les sociétés européennes peuvent avoir à la violence. Et ce rapport change, mais ça ne veut pas du tout dire que les pratiques changent. Et entre le début du XVIIe siècle et la fin du XVIIe siècle, le niveau d'intensité de la violence dans des prises de ville, des pillages, des déprédations, il est à peu près le même. Mmh. Ce qui change, c'est la norme qu'on leur associe. La norme acceptable. Exactement, la norme acceptable, le permissible. On va écouter un petit extrait du documentaire qui sera diffusé demain, donc en conclusion de notre série sur la guerre de 30 ans. Il est signé Olivier Chaumel et Marie-Laure Ciboulet. Il s'intéresse à un château, à une colline. Il y avait, je crois, 3500 habitants à la Motte, cet endroit qui n'existe plus et qui a été détruit par les forces royales françaises pendant cette guerre de 30 ans, après plusieurs sièges qui se sont succédés sur cette place. On a voulu punir cette place et donc, sur ordre du roi et de Richelieu, on a détruit cette place de la Motte. On écoute. Alors, vous voyez, là, tout du long, c'est un fossé comme ça, tout du long. Et tout autour de la ville, il y a ce fossé-là. Il est conservé intégralement ? Ben oui. Ouais. Alors bien sûr, quand la ville a été détruite, les pierres sont parties dans les villages. Il y a eu un édit qui disait que les personnes des villages pouvaient venir chercher des pierres. Et quand on se promène dans certains villages, on voit des linteaux de fenêtres et de portes qui sont jolis. Et ça vient de la Motte. On a réemployé tout ça de façon pragmatique. Voilà, oui. Et aussi peut-être pour être certain de ne plus laisser de traces de la ville. Ah ben oui, parce que quand Mazarin... Des bois. C'est Mazarin qui a donné... Au début, c'était Richelieu, mais après Richelieu est décédé, c'est Mazarin qui a repris la suite. C'est lui qui a décidé de détruire la ville. Voilà. Est-ce que les gens, les motois, comme on les appelait, s'attendaient à ce que la ville serait détruite? Ben non, parce que normalement, elle ne devait pas être détruite. Il avait été conclu, quand les troupes françaises sont rentrées dans la ville, que les habitants de la ville devaient rester dans la ville avec leurs maisons et tout. Qui ne leur serait pas de mal. Mais deux jours après, il y a eu un édit de Mazarin qui a dit qu'il fallait détruire la ville de fond en comble, en enlevant les habitants. Les habitants n'ont pas été maltraités, hein. Ils ont été déménagés dans les villages et même à Nancy qui sont allés. On continue ? On continue. Bon, donc je passe devant. Voilà un extrait du documentaire que vous pourrez entendre en conclusion de notre série sur la guerre de 30 ans. Sigy Lamotte, un documentaire d'Olivier Chaumel et de Marie-Laure Ciboulet que je vous engage à écouter car il raconte un cas d'espèce, pourrait-on dire. Et il dit aussi à tous ceux qui pensent que cette guerre de 30 ans n'a pas touché la France, eh bien qu'une grande partie du territoire français, qui est devenu français pour partie après, a été profondément touchée. Et d'ailleurs, j'étais personnellement touché des messages que j'ai reçus de Franc-Comtois, de Jurassiens, d'Alsaciens ou de Lorrains qui nous ont écrit, et également de gens du Nord qui nous ont écrit en disant qu'effectivement leur région avait été malmenée pendant cette guerre de 30 ans. Il faut s'en souvenir et peut-être réintégrer cette mémoire de la guerre de 30 ans qu'il est très peu dans notre histoire nationale ou dans l'histoire plus large de l'Europe. Merci à vous Claire Ganté et merci à nos confrères de la radio de Munich qui vous ont accueillis. Donc pour parler de cette guerre de 30 ans, merci à vous Paul Voix et à vous également Émilie Dosquet. On trouvera évidemment la bibliographie qui nous a permis de préparer cette émission sur le site de France Culture et les pages de la Fabrique de l'Histoire. Cette émission a été préparée par Céline Leclerc et Aurélie Marcet. Nicolas Delmas nous a accompagnés à la technique et Marie-Laure Ciboulet à la réalisation. Vous avez été très nombreux à réagir à cette série d'émissions sur la guerre de 30 ans sur nos groupes, le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire. Vous pouvez bien entendu continuer à en discuter, mais également sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC. Fabrique FC. À demain.